Yes, Yensa. Tes platines sont connectées. Ok. Alors on va se donner. On va se donner pour ceux qui sont concernés. Les autres, on n'a plus le temps de s'attarder. En plus, tu sais comment je suis. Tu sais comment je suis. J'ai jamais su fermer ma gueule sans poser de questions. J'ai jamais pu agir dans le dos, but sans laisser mon nom. L'ouvrir pas pour l'ouvrir, mais décrire chaque situation, c'est mon rôle. Beaucoup moins drôle qu'on voudrait le penser. Dépenser son énergie avancée. Je m'exprime pour pas que d'autres le fassent à ma place. Une farce que de représenter. J'aurais tant souhaité parler pour ceux qui ne peuvent pas, mais seuls mes proches se sentent concernés. C'est triste mais... maintenant je rappe pour ma gueule, j'ai besoin de libérer mon esprit. J'aurais voulu donner, devenir individuel c'est la vie. Mes textes sont conscients, une vision triste et sombre. C'est sur la pauvreté que je mets l'accent. La rage, l'envie en excès, chaque thème triste et indexé. C'est le cœur qui parle, j'évite la stupidité. C'est le cœur qui parle, cousin. Je vais rappeler pour les concernés. Les autres, tant pis, j'ai pas le temps de m'attarder. Pour l'avenir. Je vais rappeler pour les concernés. Les autres, tant pis, j'ai pas le temps de m'attarder. Pour l'avenir. Je vais rappeler pour les concernés. Les autres, tant pis, j'ai pas le temps de m'attarder. Pour l'avenir. Je vais rappeler pour les concernés. Les autres, tant pis, j'ai pas le temps de m'attarder. Un œil sur la rue, la langue jamais dans la poche. Décoche mes mots en flèche, jamais je ne fléchis. Je bouge, lutte, réfléchis. C'est pas du coup tout le monde, on m'en veut. Je m'endurcis. J'ai fait des rêves sur un mouvement plein de promesses. Rap mon seul amour, caresse au mic avec tendresse. Utopiste sur à peine 4 piges, j'étais jeune. Dans ma cave, avec Simba, on rappait avec Karen juste pour le fun. Maintenant faut se donner, être à l'heure et cogner. Bousculer principes de base, niquer valeurs erronées. Rappeur de l'ombre, c'est fini. Je me place en surface, me plaît dorénavant à faire face. En fait, les choses changent, faut évoluer ou périr, écrire son destin et merde, pensez à soi. J'aime bien parler avec le cœur. Je vais rapper pour les concernés, les autres tant pis, j'ai pas le temps de m'attarder. Pour l'avenir. Je vais rapper pour les concernés, les autres tant pis, j'ai pas le temps de m'attarder. Pour l'avenir. Je vais rapper pour les concernés, les autres tant pis, j'ai pas le temps de m'attarder. Pour l'avenir. Je vais rapper pour les concernés, les autres tant pis, j'ai pas le temps de m'attarder. C'est pas la peine de tergiverser, ni de verser des larmes. Mouvement HS, il reste le son, ainsi me fait pas de mélodrame. Je m'arme de patience, au loin on monte ma potence. J'offense mes adversaires, serre les poings frère, notre heure va sonner. De vagues souvenirs au monde, pourtant y'a 8 ans. Putain que les choses évoluent, la merde a laissé place à pire que j'ai valu. Tiffer vient ouf et chute sa sœur qui remue son bonda. Dans les soirées peura, coco remplace le ouin, je métisse le soda. On joue les gros bras, les yeux sont foncés. Y'a plus de grand frère, on laisse les petits s'enfoncer. Fini l'époque pambada, apologie de la violence. Les thèmes des textes ont changé et leurs auteurs n'ont pas conscience du danger. N'ont pas conscience du danger. Époque étrange, ici c'est Be myself and I. Be myself and I. Be myself and I. Je vais rapper pour les concernés. Les autres tant pis, j'ai pas le temps de m'attarder. Je vais rapper pour les concernés, les autres tant pis, j'ai pas le temps de m'attarder. Pour l'avenir. Je vais rapper pour les concernés, les autres tant pis, j'ai pas le temps de m'attarder. Pour l'avenir. Je vais rapper pour les concernés, les autres tant pis, j'ai pas le temps de m'attarder. Concerné.